بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui on va finir donc les versets qu'il nous reste de sourate Al-Balad inshallah ta'ala. وقد رأينا أن الله تعالى لام الإنسان على كونه لم يراقب ربه في صرف أمواله. On a vu que Allah tabaraka wa ta'ala, il a blâmé l'être humain par le fait qu'il n'a pas cherché l'agrément de son Seigneur, qu'il n'a pas fait attention au fait que son Seigneur le voyait lorsqu'il a dépensé de ses biens, de son argent, dans ce qui n'est pas convenable. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit concernant l'être humain, yakulu ahlaktu malan lubada. Il dit, j'ai gaspillé beaucoup d'argent. Il dit, j'ai gaspillé beaucoup d'argent. Falayta hada al-insan anfaqa malahu fi ma yanfa'uhu. Donc si seulement cet être humain avait dépensé son argent dans ce qui lui est profitable. Allah tabaraka wa ta'ala dit après cela, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَ الْعَقَبَةِ. Il n'a pas, ils disent, il n'a pas pris, il n'a pas emprunté la voie difficile. Dans certaines traductions. On verra plus tard, l'aqaba, qu'est-ce qui est voulu par là? وَمَا أَدْرَاكَ مَ الْعَقَبَةِ. Qui te fait savoir ce qu'est l'aqaba? فَكُّ رَقَبَةِ. Le fait de libérer un esclave, ou it'amun fi yawmin dhi masraba yatiman dha makraba. Le fait de nourrir durant un jour, al masraba, ce qui est voulu par là, c'est un jour de, comme ils disent des savants, maja'atun shadida, un jour de grande famine. Le fait de nourrir durant un jour de forte famine. Yatiman dha makraba, un orphelin qui est proche. Ou miskinan dha matraba. Ou alors un pauvre qui n'a que la terre. Un pauvre qui n'a que de la terre. Et donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, falaqtahama al-aqaba. Alors il n'a pas emprunté, il n'a pas suivi la voie de difficulté. Al-aqaba hiya at-tariq allati fil jabal. Al-aqaba, les savants disent, c'est la route qu'on emprunte dans les montagnes. C'est une route qui est difficile, une bonne montée à pic. C'est la route que seules les personnes qui sont motivées vont la prendre. Quand aujourd'hui on te dit tu prends à pied la montagne, tu as le choix entre la montée, grimper la montagne ou alors faire le tour de la montagne, tu fais le tour. Sauf Rachid, il fait courageux, il va dire moi je monte. Et donc, en général, tu fais le tour. Tu ne vas pas monter sur la montagne. Tu ne vas pas la grimper la montagne. Et donc, Al-Aqaba, c'est la route qui est, donc, c'est la route de montagne. Et ce qui est voulu par là ici, c'est que cette personne n'a pas pris la voie difficile. Comment ça, la voie difficile? هَذَا الطَّرِيقُ الصَّعْبُ سُلُوكُهُ الَّذِي يَنْفَعُكَ حَقِيقَةً. Cette voie qu'il est difficile d'emprunter, mais qui t'est réellement profitable. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, wa ma adraka ma al-aqaba. Qui t'informera, qui te fera savoir ce qu'est al-aqaba. Ensuite, Allah ta'ala, il explique ce qu'il veut par là. Fakku raqaba. Le fait de libérer un esclave. Wa hadhihi al-ibada qad hatha 'alayha ash-shar'u. Et cet acte d'adoration, notre législation a incité à cela, au fait de libérer les esclaves. An yu'tika al-insan, an yu'tika al-insan al-abid wal-asra. Le fait que l'individu va libérer les esclaves, mais aussi les prisonniers. Les prisonniers comme les prisonniers de guerre ou autres. Le fait qu'il dépense de son argent pour cela. Notre religion incite à cela. وأيها الإخوة هذه المسألة تذكرنا بمسألة أخرى وهي مهمة. Mes frères, ce sujet-là, il nous rappelle le fait de libérer des esclaves, libérer des prisonniers. Cela nous rappelle, nous mène à un autre sujet qui lui aussi est très important. كثير من الناس في زمننا نتكلم عن فك العقبة أو فك الرقبة عفوا. Beaucoup de personnes, lorsqu'on leur parle de libérer un esclave, أو فك الأسير, ils disent on est à Mulhouse, à Abdelkarim. On est à Villerouille, à Abdelkarim. À Villerouille, on ne va pas libérer un esclave, frère. Je ne sais pas, moi, tu veux me dire, on va aider un pauvre, on va aider un frère qui a des difficultés, etc. Mais libérer un esclave, Abdelkarim, comment on fait ça? Barakallahu fik. Moi aussi, je veux faire cet acte d'adoration. Comment on fait? Il y a un acte d'adoration, ayol ikhwa, qui n'est pas très loin de celui-ci. Qui n'est pas très très loin de celui-ci. Quand l'insan yad'u an-nas ila at-tawhid ila ibadati Allahi wahdahu fakun lahu min an-nar. Le fait que tu libères les gens, excusez-moi, le fait que tu appelles les gens au tawhid, au fait d'adorer Allah seul, cela, c'est le fait de les libérer du feu. Le fait de les libérer du feu. Ces gens sont prisonniers du feu, ils ne le savent pas. Ils sont prisonniers du diable. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كَانَ كَعِدْلِ رَقَبَهِ. Ibn Abi Shayba, il dit dans son Musannaf, selon Saïd ibn Jubayr, qui dit, celui qui coupe une amulette de quelqu'un, alors c'est comme le fait de libérer un esclave. C'est comme le fait de libérer un esclave. هذا الأثر عن سعيد ابن جبير في إسناده مقال. Et donc, ce texte que je vous ai rapporté de Saïd ibn Jubayr, il y a un problème dans sa chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que dans sa chaîne de transmission, il y a Layth ibn Abi Sulaym, wa huwa mutakallamun fi. Et cet homme, Layth ibn Abi Sulaym, il a été critiqué par les gens du hadith. Fait al-isnad fi ishkal. Donc, la chaîne de transmission, il y a un problème. Lakin hadha al-kalam, qala al-ulama, إن دعوة الناس إلى التوحيد كفكهم من النار. Cependant, cette parole est véridique. Les savants, ils nous disent que le fait d'appeler les gens au tawhid, c'est comme le fait de les libérer du feu. وكذلك أن تفكهم من الشيطان. Le fait de les libérer du diable. فلماذا لا نحرص على ذلك? Pourquoi est-ce qu'on ne s'efforce pas de faire cela? Pourquoi est-ce qu'on ne s'efforce pas? T'as tes voisins, tes gens qui sont autour de toi, qui sont dans la religion chrétienne ou autre. Appelle-les à l'islam, appelle-les à la vérité. À chaque fois, ça fait quoi? Ça fait, allez, un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans, on va dire 13 ans. À chaque fois, je me rappelle du frère qui est venu me prêcher. À chaque fois. Viens, allez, on va se poser. C'est quoi ta religion? Il m'a demandé, c'est quoi ta religion? Direct. Viens, on va parler. On a parlé. Il m'a prêché à l'islam. J'ai accepté. Jusqu'à aujourd'hui, 13 ans plus tard, à chaque fois, j'essaie de prendre ses comptes, de prendre de ses nouvelles. Alors, Jaïd, comment ça va? Labas alaik, hamdoulillah, ça va, barakallahu fik, etc. Pourquoi? Parce que c'est un grand bien que le frère m'a donné. C'est un grand bien qu'il a fait. En quelques minutes, il a fait un bien qui a changé toute ma vie. Pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas faire ça pour les autres? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, mon frère, ma sœur, de faire cet effort, d'aller vers ton voisin, d'aller vers ton collègue, d'aller vers l'autre pour l'appeler à l'islam? Afin que tu puisses libérer cette personne de l'emprise du diable. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Aw it'amun fi yawmin dhi masraba » ou alors le fait de nourrir durant un jour de grande famine. Cette grande famine, elle peut être due à Al-Qahd, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus de pluie. Parfois, on ne médite pas sur cela, les frères. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala souvent. Parce que le problème, c'est qu'on a trop l'habitude d'avoir le frigo plein. Le fait d'avoir le frigo plein, comme il dit Cheikh Ibn Uthaymeen, le fait d'avoir une vie de luxe, une vie de confort, ça te fait oublier les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné. Plus tu en as, plus tu oublies, en fait. À chaque fois que tu ouvres ton frigo, tu le vois plein, tu oublies qu'en fait, s'il ne pleut plus, tout ça, c'est vide, il n'y a rien. Juste la pluie, il n'y a plus de pluie, c'est fini, ton frigo, il est vide. Il n'y aura plus d'animaux, puisqu'il n'y aura plus de plantation, il n'y aura plus, c'est fini, ton frigo, il est vide. On ne remercie pas Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme je l'ai dit la dernière fois, quand il pleut, on dit, oh, subhanallah, il pleut. Oh là là, quel temps. Il pleut aujourd'hui. Oh là là, il faut la sortir le parapluie, sortir le manteau, subhanallah. On rejette ce bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous accorde. Dans certains pays, les frères, ils prient, les gens, ils font la prière d'invocation de la pluie. Ils invoquent Allah pour qu'il pleut. Et nous, quand il pleure, on est... presque on a envie de pleurer. Presque on a envie de pleurer. Alors la ville, oui, il pleut tous les jours, subhanallah. Tous les jours. On va se plaindre. Pourquoi? Parce qu'on rejette le bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé. Et ça, c'est une maladie. C'est une maladie, il faut qu'on la guérisse, les frères. Il faut qu'on fasse des causes. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit yatiman dha makraba. Et donc, un pauvre qui est proche. Fa anta fi yawmin dhi maja'atin shadidatin tut'imu shakhsan huwa yatimun min aqaribik. Et donc, toi, durant un jour de grosse famine, tu vas nourrir un individu. C'est un orphelin qui fait partie de tes proches. C'est quoi un orphelin? Il a perdu son père avant 15 ans. Il a perdu son père avant la puberté. Avant la puberté. Et donc celui qui perd son père avant la puberté. Si tu nourris une personne, il est pubère, il a perdu son père. Est-ce qu'on dit que c'est un orphelin? Fichara, dans la législation, non? Dans la législation, non. À partir du moment où il est pubère, dans la législation, je ne parle pas dans l'habitude des gens, je parle dans la législation, ce n'est plus considéré comme un orphelin. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il peut donc faire les efforts, lui, pour rechercher, pour être la cause de la recherche de sa propre subsistance. De sa propre subsistance. Au miskinan dha matraba. Ou alors nourrir un pauvre qui n'a que de la terre. Min al-ma'ruf anna al-miskin alladhi la yajidu fi yadihi illa turab fa huwa faqirun jiddan. Il est connu que l'individu, le pauvre qui ne trouve dans ses mains que de la terre, il n'a que de la terre. C'est une expression pour montrer qu'il est très pauvre, il n'a rien. Cette personne qui est dans cette situation, tu vas la nourrir durant un jour de forte famine. C'est un jour de forte famine, c'est un jour où tu penses à toi. Je vous donne un exemple simple. Un exemple tout simple qu'on a tous vécu, on a tous vu. Pourtant, c'est pas un exemple trop violent, mais juste un exemple simple. Lorsqu'ils ont annoncé le début du corona, confinement, qu'est-ce qui s'est passé dans les magasins? Hein? Au début, les gens ils avaient peur. Ils se sont dit, ça va être la famine, ça, c'est fini. On va plus rien. Je fais mes courses. Je prends tout pour moi. Rien à faire des autres que moi. Nefsi, moi et ma famille. Allez. Il y en a qui ont fait des ruses. J'y vais. Ma femme, elle vient deux minutes après. Comme ça, on n'est pas ensemble. On a deux caddies, etc., etc. Il y en a d'autres, ils ont pensé à acheter des bouteilles de Coca-Cola. Je sais pas pourquoi. Allahu alam. C'est pas ce qui s'est passé. Tu te dis, subhanallah, il y a un problème. Et donc, juste pour vous dire que les frères, un jour de forte famine, tu penses qu'à toi. Nous, on n'a pas connu ça, nous. On n'a pas connu ça ici en France. Dans certains pays, il y a des gens qui ont connu ça. Le fait qu'il n'y a rien, tu peux avoir de l'argent sur toi, il n'y a rien. Nous, on n'a pas connu ça, non. Tu ouvres ton frigo, on trouve toujours un truc à manger. On trouve toujours un truc à manger. Et donc, durant ce jour où les gens ont pour habitude de penser qu'à eux, tu vas penser aux autres. Tu vas aller penser aux autres et tu vas les nourrir. Voilà qui... Quand l'insan yuhsinu ila ghayrihi, hal hada yakfi? Le fait que l'individu, il fasse du bien aux autres, qu'il se comporte bien avec les autres, est-ce que ça suffit? Une fois, on m'a parlé d'un... Franchement, j'ai oublié les noms maintenant. Subhanallah, le sport. Un joueur de tennis, je crois que c'est un Suisse ou... Voilà. On m'a dit que lui, il dépense beaucoup pour les pauvres. Il fait. Est-ce que ça suffit? Abadan, ça suffit pas. Ça suffit pas. Le fait que tu dépenses de ton argent, tu as beaucoup d'argent, tu le dépenses pour les pauvres. C'est bien. Mais ça suffit pas. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, il nous dit, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Et après cela, en plus de cela, il fait partie de ceux qui ont la foi, de ceux qui ont cru. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, ils se sont enjoints la patience. وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ, ils se sont enjoints la miséricorde. فهذا الذي جمع هذه الصفات التي ذكرناها مع ذلك فهو مؤمن. Et donc cette personne qui a rassemblé en elle ces caractéristiques qu'on a vues, en plus de cela, il est croyant. يؤمن بالله, il croit en Allah. Ses anges, وملائكته وكتبه, aussi aux ses livres, ورسله, aussi il croit au prophète qu'Allah تبارك وتعالى a envoyé. واليوم الآخر, le jour dernier, wal-qadar, khayrihi wa sharri, le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, il va croire en tout cela. Et en plus de ça, il va accomplir de bonnes actions. Pourquoi? Parce que l'amal min al-iman. Certains vont nous dire, ouais, mais les œuvres, elles n'ont pas été citées dans le verset. Il n'y a pas eu les œuvres. On va te dire, l'amal min al-iman. Les œuvres font partie de la foi. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, wa mekana Allahu li yudi'a imanakum. Et Allah ne va pas rendre vaine votre foi. Ce qui est voulu par là, c'est votre salat. Lorsque les croyants le priaient en direction de Beit al-Maqdis. Et donc, es-salat amel, wal-amel iman. La prière est une œuvre et l'œuvre fait partie de la foi. Et donc, wa kana min alladhina amanu, il fait partie de ceux qui ont eu la foi. Wa tawasaw bis-sabr. Ceux qui se sont enjoints la patience. As-sabru ala madha? As-sabru ala ta'atillah. Tu patientes pour obéir à Allah. C'est pas facile. Chaque prière, il faut te motiver, il faut venir. Chaque prière. Tu patientes dans cela. Tu patientes pour donner la zakat. Tu patientes pour apprendre ta religion. Tu patientes pour avoir un bon comportement avec les gens. Même envers ceux qui te font du tort. Tu patientes dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala wa sabru an ma'siyatillah, la patience pour délaisser la désobéissance. Tu sors, il y a plein de fitna dehors, tu patientes, tu endures pour délaisser toutes ces fitanes, tout ce mal, toutes ces choses interdites. Tu vas faire tes courses, de la viande haram, des boissons haram. Tu patientes, tu endures pour obéir à ton Seigneur et délaisser toutes ces choses interdites. Cet argent illicite, l'usure. Cet argent illicite, le cadeau de Noël qu'on donne sur le compte bancaire que t'as pas demandé, qui vient chaque année. Hein? T'es là, allez, une petite fois comme ça, on en profite. Inch'Allah. Non. Tu sais très bien au fond de toi-même. Que cet argent t'a été donné pour une raison. C'est pour les fêtes des Nassar. De ceux qui disent que Allah tabaraka wa ta'ala a un enfant. De ceux qui font ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à ses créatures. Hein? de ceux qui disent que Allah tabaraka wa ta'ala a engendré. Subhanallah. Et tu viens, tu prends cet argent? Tu viens, tu prends cet argent? Et donc, tu vas endurer pour délaisser la désobéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. وَالصَّبْرُ عَلَىٰ أَقْدَارِ اللَّهِ الْمُؤْلِمَةِ. Le fait de patienter, d'endurer concernant le destin, ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a prédestiné qui est difficile. Les gens qui te font du tort, qui te font des injustices, qui mentent sur toi, qui te tapent, qui font, tu patientes, tu endures. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَزَادَ عَلَيْهِ التَّوَاصِي بِالْمَرْحَمَةِ. Celui qui fait cela et qui rajoute sur tout cela le fait de s'enjoindre la miséricorde. الرَّحْمَةُ مَعَ الْبَشَرِ. Le fait d'être miséricordieux envers les êtres humains. الرَّحْمَةُ مَعَ الْبَهَائِمِ. Le fait d'être miséricordieux envers les animaux. مَعَ النَّبَتَاتِ. Avec les plantes. Mais al-khalq, avec les créatures. Celui qui fait tout cela, alladhi jama'a hadhi sifat, ma haluhu, quelle est sa situation? Ulaika ashabul maiman. Voilà les gens de la droite. Alladhina ya'khuduna kitabahum bil yamin. Ceux qui vont prendre leur livre de la main droite, quelle est leur situation? Qu'est-ce qui va leur arriver? يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Il sera jugé, il lui sera accordé un jugement facile. Tu fais plein de péchés, on fait plein de péchés. On veut tous un jugement facile. Ben voilà. Allah, il nous montre la voie. Tu fais plein de péchés, voilà une manière pour avoir un jugement facile. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا. Et ceux qui ont mécru en nos versets, alors c'est eux, ceux qui ont mécru en nos signes, alors c'est eux qui sont les gens de la gauche, al-mash'ama. Alayhim narun mu'sada. Il y aura un feu qui se renfermera sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ce feu se renfermera sur eux? Annahum la yakhrujun. Ils ne sortiront pas du feu. Ils ne sortiront pas du feu. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous place parmi les gens de la droite, ceux qui prendront leur livre de la main droite, et qu'il nous facilite le jugement et nous pardonne nos péchés. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.